qu'on veut, les Bruxelloises et les Bruxellois, c'est qu'on veut que ce soit convivial. Maintenant, le problème, c'est que tu as des gens, tu ne sais plus t'asseoir, mettre ton GSM comme ça, ton paquet de cigarettes, être tranquille, tu vois, être posé. Tu dois toujours être comme ça sur le qui-vive, parce que tu ne sais jamais, ton ami qui te titille, tu fais juste comme ça, hop, il n'y a plus rien. Ça, ça ne va pas. Et en plus, fédéral, il ne faut rien. Hier, ils ont rien foutu. Parce qu'ils ont voulu défiler pour le 21. Et nous, on a dit non, vous ne défilez pas comme nous, on a envie. Parce que vous n'avez pas été correct. Ils râlent. Alors ils râlent et ils laissent tout le monde se faire bastonner, se faire voler. Et quand les gens ils arrivent à l'Amigo Central, ils font... Il y a des choses que je tolère et des choses que je ne tolère pas. Moi, je bois, je fume, mon joint carrément là. Mais j'ai jamais agressé personne. Regarde, tu trouves ça normal, toi? Les Mont-Saint-Michel, ils plantent, ils font des trucs et eux, ils arrivent. Et ça se jette. Par contre, les Mont-Saint-Michel, excusez-moi, à mort. En face, pourquoi est-ce que ça pousse pas en face? C'est Khalid, tu vois en face là, les deux en face là. C'est Khalid, des fois il se dit pourquoi est-ce que là ça pousse et chez moi ça pousse pas. Il n'y a pas moyen de mettre de l'engrais ou faire quelque chose. On va les changer, hein. C'est une plante, c'est pas... Ouais, mais un mot. Regarde, regarde son arbre ici, regarde. Il n'y a plus rien là. Ici, regarde quelle floraison. Là, il n'y a rien. Et regarde ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, hein, chef, hein. Eh bien, d'accord. Merci. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Regardez, chef. Regardez l'arbre là. Regardez ici, il n'y a rien. Et regardez là. Qu'est-ce qui se passe là? Mettez un peu d'engrais, hein. Mettez-lui des tournesols en face. Hein. Un peu de tournesol, comme ça quand le soleil il vient, il va faire un beau petit sourire. Comme Vincent Van Gogh. Moi je reste 3 mois jusque fin août et après ça lui rentre. Je suis déjà là depuis 7. On est le 22, le 24, ça va faire 8 semaines, 2 mois que je suis ici. Je suis bruxelloise, moi je suis né ici à Bruxelles, ma famille c'est à Stalingrad. Et tous les gens qui sont au boulevard Maurice de Meunier, tous les riftons, les marocains, tout ça c'est ma famille. Bon, chef, ne vais pas me donner ton seau, ton bazar, va aller en face, je vais pas ennuyer mon oncle. Hein. Je vais lui dire que c'est moi qui vais faire une plantation. Demain, je vais mettre une plantation de hashish là en face. Un peu de marijuana. Et puis quand je vais attraper M. Mayer, je dis, va Mayer, t'es le meilleur. Hein? Plantation locale. Hein? Je crois qu'il va aller jusqu'à Maastricht pour faire un joint, mais il rêve. Hein? Moi, je suis mon pet, je suis devant le commissariat. Je vois mon verre devant le commis. Mais j'ai jamais ennuyé personne. Je m'ennuie à moi. Je fais du mal à moi-même. Ça, c'est... Hé hey, Fleurus, ça va Charleroi? Hein? Zoning industriel de Fleurus, ça va Charles King? Comment va Paul Magnette? Guy Fleurus! Ça c'est les... Ça c'est la plus grande... Vous voyez les canettes? La compression, c'est eux qui la font à Fleurus. Bon, je comprends pas. Tiens, hein. Roi Philippe, il est là. Ouais. En 2015, regarde, en 2014, il avait une grosse tête, en 2015, il y a un peu plus ça. Hein. Hier, ça m'a fait rire. Mais j'ai raté un truc. Hein. J'ai raté un truc. Hein. Hier, j'arrive, ici en haut, pour le feu d'artifice. À un moment, on devait faire 4 F16. Bonjour, monsieur. Non, parce qu'il y a des gens qui cherchent des bitons. Non, mais j'entends de... Eh oui, moi j'ai vu des gens faire ça. Au département, ça me chérit. Oui, dans les blabères, il y en a qui les récupèrent dans les blabères avec une passe. Oui, moi j'ai vu ça avec des parapluies. Oui. Avec des parapluies. Je te jure, j'ai vu des gens avec des parapluies aller dans les poubelles comme ça de Mont-Saint-Michel et dans les bulles à verre avec des parapluies. Et ils prennent comme ça les bouteilles, ils mettent sur le côté. Et puis ils prennent un caddie, ils foutent tout dedans. Après ils vont chez Deleuze et ils font l'échange. Il y a des trucs. Excuse-moi, il y a une grande gueule, mais il y a des choses où ils ne mettent pas ma main dedans. On va boire une canette, trois pressions, aluminium, chez Pleurus. Hein, la TM. C'est juste, c'est pas. Bon, chef, en face. Tu vas venir avec moi